Should I Live, David Charvet sur RGM, 8h36. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 15 mai 1946, naissance de Georges Beretta, ancien footballeur français, qui a fait carrière de 1966 à 1974 en jouant à Saint-Étienne, club avec lequel il a remporté 6 titres de champion de France et 3 coupes de France. Et de 1974 à 1978, il a joué pour l'Olympique de Marseille. 1950, naissance de Nicolas Hammond, acteur américain connu pour avoir été le premier acteur à incarner en chair et en os le super-héros Spider-Man à la télévision dans les années 70. 1952, naissance de Chaz Palminteri, acteur américain connu pour son rôle de Sonny dans Il était une fois le Bronx, vu également dans Mafia Blues, dans la série télé Modern Family, Rizzoli and Hyde dans le rôle de Frank Rizzoli Senior ou encore Blue Bloods dans le rôle d'Angelo Gallo. 1953, naissance de Cleveland Derricks, acteur américain connu pour son rôle de Rembrandt Brown dans la série télé Sliders. 1955, naissance de Lee Horsley, acteur américain connu pour son rôle de Matt Houston dans la série télé du même nom, vu également dans les films Django Unchained et Les 8 salopards. 1960, naissance de Rob S. Bowman, réalisateur américain qui a réalisé de nombreux épisodes sur la série télé Star Trek La Nouvelle Génération, Parker Lewis ne perd jamais, X-Files aux frontières du réel, Castle, au cinéma X-Files, le film, Elektra, et producteur de plusieurs épisodes de l'Agence Touriste et de X-Files. 1972, naissance de David Charvet, acteur et chanteur français, connu pour son rôle de Matt Brody dans la série télé Alerte à Malibu et son rôle de Craig Field dans la série Melrose Place. 1978, naissance de David Krumholtz, acteur américain, vu dans Les Valeurs de la Famille Adams, 10 bonnes raisons de te larguer, Ray, Monsieur Popper et ses pingouins dans la série télé Urgence dans le rôle de Paul Sobriki, The Good Wife, mais on le connaît surtout pour son rôle de Charlie Epps dans la série Numbers. 1981, naissance de Patrice Evra, footballeur français professionnel depuis 1998, qui a joué au club du SC Marsala, au club de Monza Calcio, à Nice, à Monaco, Manchester United, la Juventus de Turin, Marseille, et depuis février, il joue au club de West Ham. 1983, naissance de Germain Chardin, rameur français qui pratique l'aviron, qui aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin a été médaillé de bronze en 400 barreurs et aux JO de 2012 à Londres, médaillé d'argent en 200 barreurs. Au championnat du monde 2010, il est médaillé d'or en 4 de pointe 100 barreurs et en championnat du monde 2013, médaillé d'argent en 200 barreurs. 1987, naissance de Leonardo Mayer, joueur de tennis argentin professionnel depuis 2003, meilleur classement ATP, 21e place obtenue en 2015, meilleure performance en Grand Chelem, 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open et 32e de finale à l'Open d'Australie. Et à noter qu'en double, il a fait de belles performances en Grand Chelem, même si son meilleur classement en double, c'est la 58e place. Il était quart de finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et 16e de finaliste à Wimbledon. Et il a remporté une Coupe Davis en 2016. C'est également l'année de naissance d'Andy Murray, joueur de tennis écossais professionnel depuis 2005, qui a été numéro 1 mondial. Le 7 novembre 2016, il a gagné 2 fois Wimbledon, 1 fois l'US Open, 5 fois finaliste à l'Open d'Australie, 1 fois finaliste à Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques, en simple, il est double médaillé d'or, médaille obtenue en 2012 et 2016. Et à noter qu'en double mixte, il est médaillé d'argent obtenu en 2012 et il a remporté une Coupe Davis en 2015. 1989, naissance de Mapu Yonga Mioba, footballeur centrafricain français qui de 2006 à 2013 a joué à Montpellier, de 2013 à 2014 à Newcastle, de 2014 à 2015 à l'AS Rome et depuis 2015 il joue à l'Olympique Lyonnais. 1996, naissance de Birdie, chanteuse britannique, et en 1982, décédée Joëlle Mogensen, chanteuse française, membre du groupe Il était une fois. On écoutera une chanson en fin d'émission, là on va tout de suite écouter Birdie avec la reprise du titre Skinny Love. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, my, my. my staring at the sink of blood and crushed veneer. Birdie sur le 107 FM. Il est presque 8h45 et eh bien on va faire un point sur la météo. La météo. Alors encore aujourd'hui, hein, ce sera pas très joli dans le ciel. Ce sera principalement couvert avec des averses de pluie et peut-être même des orages à prévoir par endroit. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés cet après-midi. Pour mercredi, ce sera encore une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 15 et 17 degrés l'après-midi. Pour jeudi, ça devrait s'améliorer un tout petit peu. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin et entre 16 et 17 degrés prévus pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on parle maintenant sport. Les résultats sportifs. Avec tout d'abord le tennis et le tournoi de Rome. Côté messieurs, hier, la qualification de Benoît Paire en 2-7 face à son compatriote Richard Gasquet. Benoît Paire s'est qualifié 6-4-6-4. Gaël Monfils, en revanche, lui s'est incliné en 2-7 face à Fabio Fognini, 6-3-6-1. Djokovic s'est qualifié en 2-7 face à Dolgopolov, 6-1-6-3. Qualification de Goffin en 2-7 face à Maier et Karen Augusta s'est qualifié en 3-7 face à Donaldson. Aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Andreas Seppi. Berdych sera opposé à Shapovalov, Cilic affrontera Harrison et Goffin sera opposé à l'Italien Cecchinato. Côté dame, a noté hier la qualification de Stephens en 3-7 face à Strikova, 6-7-6-3-6-1, qui s'est qualifié en 2-7 face à Pavluchenkova, 6-4-6-1. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Sevastova, Svitolina sera opposée à Martik Ostapenko à Zeng et Kerber à Diaz. Et on va parler un tout petit peu du tournoi de Roland-Garros qui approche à grands pas. Et la mauvaise nouvelle pour Joe Wilfried Tsonga, qui l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux, il sera forfait pour Roland Garros. Il n'est pas assez remis de sa blessure au ménisque. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de NHL. Et hier, cette nuit plutôt, l'équipe de Las Vegas s'est imposée 3-1 face à Winnipeg. Les deux équipes sont donc maintenant à égalité, une manche partout. Et on va parler des championnats du monde, puisque aujourd'hui à 12h15, ce sera le dernier match pour la France qui affronte la Suisse, et la France qui a encore une toute petite chance de croire au quart de finale. Mais alors, pour cela, comme vous voulez, la France doit impérativement s'imposer dans le temps réglementaire face aux Suisses. Alors déjà là, c'est pas gagné. Mais il faut également que dans l'après-midi, la Slovaquie perde en temps réglementaire contre la Biélorussie, sachant que la Biélorussie est déjà reléguée et qu'il me semble n'a pas remporté un seul match lors de ces championnats du monde. Donc autant dire que les quarts de finale semblent très compliqués quand même pour l'équipe de France. Mais bon, si on pouvait gagner quand même quelques places au classement, ce serait pas mal. Allez, un mot de basket maintenant avec les playoffs de NBA, et les Golden State Warriors ont remporté la première manche face à Houston, 119-106. Ce soir, match numéro 2 pour l'équipe de Boston de Yabusele qui affronte donc Cleveland. Et on va terminer cette actualité sportive avec du cyclisme. Tout d'abord, le Tour d'Italie aujourd'hui, c'est la 10e étape, et on parle VTT avec Julien Absalon avec son palmarès immense. Et bien le coureur français est victime de plusieurs allergies depuis le début de la saison, donc il a annoncé hier qu'il a décidé de prendre sa retraite avec effet immédiat. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec le groupe Il était une fois et leur titre J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés. Elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. Je savais où la trouver. Donnez-moi